en direct d'un stade de foot. Et si, parce que monsieur Lop prend des cours de journalisme. Eh bien, on n'est pas dans la merde. Eh bien, mon boulot est peut-être menacé. Il y a de fortes chances. Bon, là, t'es où, là, pour le réveil de la Belgique? Alors, je suis au rond-point de la barrière. Là. Non, c'est pas un rond-point. Tu apprendras que c'est une place, parce que si tu prends cette place comme un rond-point, tu risques d'avoir un accident. Il m'écoute absolument pas. Non, il s'en fout. C'était la barrière de Saint-Gilles, tu sais me dire. C'était la... Oui, si tu enlevais ton casque dégueulasse, là, tu m'entendrais mieux. C'est donc à la barrière de Saint-Gilles. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, le rond-point de la barrière. Voilà. Hein, c'est... Oui, enfin bon, c'est les mecs qui vont chercher un rond-point avec une barrière au milieu. Vous avez quel intérêt? Ils sont vraiment cons, Bruxelles, quand même. Bon, ça y est. Ouais, bah je suis prêt, bah j'allume le mégaphone. Et attends, le best, est-ce que tu as pris Fanfreluche avec toi? Non, Fanfreluche est dans sa cage aujourd'hui. Non, oh, c'est... Fanfreluche est un peu sale, mais qu'as-tu donc fait avec Je préfère pas savoir. Okay. Bon, par contre, si éventuellement tu peux ramener, c'est comme t'as la barrière, il y a la friterie là, tu peux ramener un petit paquet pour Julie. Ah, pas du tout, t'es malade. Hein, un petit frites mayonnaise. Si, c'est ouvert toute horrible. La nuit, t'inquiète. Vas-y, oh là là. Vas-y, ramène un paquet de frites. Pour le kiff. Ramène un paquet de frites avec un petit biki là. Bon, allez, vas-y, réveille la Belgique. Imagine l'odeur après dans le studio. Bien, c'est qu'il a pris un mégaphone pour avoir la voix plus élevée, mais il gueule dans le mégaphone. Je suis sûr qu'il doit saturer le mégaphone. C'est un petit peu le cas. Oui. Mais là, en plus, je suis dans un bouchon, il y a tout le monde qui me regarde. Il y a un mec qui me regarde au travers, je suis là, il est en forme. Voilà, si vous êtes... Le mec a l'air un peu sous aussi. Bon, si vous êtes à côté de Sébastien Loeb, un dingue qui vient de hurler à la barrière de Saint-Gilles à Bruxelles, n'hésitez pas à lui rentrer dedans, hein, à lui klaxonner sur la tronche. Là, si vous êtes à côté, vous lui envoyez un bon coup là. J'ai pas de constat sur moi, donc non, sacré. Ah, il y a pas de constat, ouais. Bon, là, tu peux revenir là maintenant à la radio pour faire la déclaration express dans à peu près 40 minutes. Ok, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et la ligne anti-relou, heureusement, elle est là pour faire un petit peu passer le temps pendant qu'on est dans les bouchons. On pense à vous d'ailleurs, hein, rassurez-vous. Alors que nous, on est bien là. Hein. Certes, ouais. On s'est levé tôt, mais là, maintenant, on est à la cool quand même. Ouais, là, on est bien. On va prendre un petit café, petit déj. Ah ouais, un bon petit café, tiens. Enfin, j'aime pas ça, mais enfin, ça passe le temps. Tu passes un message à Loeb, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, Loeb, hein, n'hésite pas, café, full sugar, hein, n'hésite pas. Hein. Ouais, mais tant qu'il est encore sur la route, là, qu'il s'arrête à une boulangerie. Ah bah, tant qu'à faire. Bon, 7h48. Bah, ça, c'est vrai. On va écouter la ligne anti-relou maintenant, les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne qu'on met à votre disposition, donc. Hein. 0 473 86 00 13, le numéro de la ligne anti-relou à donner à tous les relous de Belgique, bien sûr. On va maintenant écouter le premier message de ce matin. Patrice, d'accord, grosse gueule du 7012, je crois que je te vois là-bas à l'abri de bus, mais je sais pas si c'est toi. Puis tantôt tu chipotes à ton téléphone, je sais pas si c'est toi qui a plus de batterie ou quoi. Moi aussi je me chipote par la même occasion, mais tu peux venir parce que je te dis je vais rien te faire. Hein. Voilà, t'as mon numéro, tu peux me recontacter parce que je vais pas attendre ici moi encore. Hein. Tu vas venir? Moi je t'attends, hein. Yeah! Comment s'appelle-t-il ce monsieur? Patrice, d'accord, grosse queue du 7012. D'accord, ok, bah, très bien. C'est clair. Ben voilà, comme ça c'est fait maintenant. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oh, ouais, c'est lui. C'est ton ami. Ouais, j'étais victime d'un relou. Allez, Mickaël, dans sa petite cette musique. Allez, Mickaël, allez, Mickaël. C'est très dur. Dans sa petite cette musique de Fun Radio. Ouais, ouais. Allez, Mickaël, dans cette musique. C'est la musique de Fun Radio. Oh, c'est très dur. Bon, bah voilà, comme quoi j'ai été. Vachement sympa, oui, comme quoi j'ai été victime également d'un relou, comme quoi ça arrive à tout le monde. Hein. Et enfin, le dernier message pour Sorcy. Oui, Jérémy, on s'est vu hier. Tu m'as laissé ton numéro. J'aimerais bien te rencontrer, en savoir un peu plus sur toi. Laisse-moi un petit message, s'il te plaît. Allez. Bonne soirée. Allez. Il avait pas l'air relou celui-là pourtant, hein, mais bon. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio.

Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et tous les matins, effectivement, 7h10, 8h10 et 9h10, on vous rembourse vos factures. Pour savoir comment faire pour qu'on vous rembourse vos factures, je vais y arriver. Eh bien, ce n'est pas... C'est difficile là. Ouais, ouais, bah c'est un peu difficile les matins. J'ai de plus en plus du mal là. Non, ça va, attends, il s'est tordi, tu rigoles ou quoi? Non, bah, c'est bon, ça qui m'inquiète justement. T'inquiète justement. Et bien, pour qu'on vous rembourse vos factures, il faut vous inscrire au 6322 en débutant votre message par facture. Il y a eu pas mal de messages qui sont arrivés pour l'instant. 98 euros pour Electrabel, c'est le gaz pour Olivier. Il y avait quoi également? 88 euros pour Proximus, 43,50 € pour le micro-ondes, 60 euros pour un fer à lisser, 30 euros pour une carte recharge téléphone portable, 15 euros aussi pour une autre carte recharge portable, pourquoi pas. Eh bien, nous allons appeler maintenant, c'est parti, on va rembourser 43,50 € pour le micro-ondes, justement. Donc, on appelle cette personne, si il ou elle décroche et répond convenablement à la question que je vais lui poser, eh bien, ce sera bingo jackpot dans sa poche. Nous rembourserons immédiatement la facture. Allez, c'est parti, je ne sais pas où on appelle, mais en tout cas, on appelle, c'est sûr. Ça sonne, c'est magnifique. Bien joué, là. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, qui rembourse les factures le matin? Bien sûr, c'est Frère Labella. Bien sûr. Mais bien sûr. Et ben voilà, bonne nouvelle. Comment tu t'appelles? Hervé. Hervé Truec, quel âge es-tu, dans quelle ville, Hervé? J'ai 23 ans, je suis au centre-ville de Liège. Très bien. Un vrai Liégeois. Eh oui, allez, le standard. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah écoute. C'est pas le moment de dire ça. Hein. Ah si, parce qu'il joue en Europa League après-demain, donc il va falloir quand même qu'il se sorte un peu les doigts du cul, là, pour mettre des buts, là, hein, parce que bon, 5-0, là, c'est dommage, mais... Non, mais bon. Alors, Europa League, après... Est-ce que tu sais marquer un goal seulement? Mais tu rigoles, mais en évidemment. Fait, on critique, mais on n'est même pas capable de marquer un goal. Donc, mais si, attends, j'ai fait du foot, tu sais marquer des buts, tu sais. Oui, bien sûr. Contre Anderlecht, je suis pas certaine. Ah non, contre Anderlecht, je sais pas. J'ai déjà fait contre le Real, Barça, tout ça. Donc Anderlecht, je sais pas si j'y arriverai. Mais après, il faut voir. Bon, Hervé, alors, tu t'es inscrit donc pour contre rembourse. Eh bien, micro-ondes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, 43,50 €, hein. Tu veux nous envoyer la copie de ta facture et puis nous, on va te faire un petit virement directement de 43,50 € sur ton compte en banque. Ah, merci, c'est très gentil à vous. Avec grand plaisir, Hervé. Eh ben, passe une bonne journée, Hervé. Merci à vous, au revoir. Salut, reste au standard, on prend tes coordonnées, surtout bouge pas de là. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope, effectivement, sur Fun Radio, comme chaque matin, c'est aux alentours de 7h15, 7h20, 8h15, 8h20, 9h15, 9h20. Oui, alors je suis pas là, quoi. C'est pas vraiment comme chaque matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est congé, on est là quand même. Oui, hein. Mais on est là quand même, évidemment, Doudou, vous êtes là quand même. Enfin, bon, il y a un moment, c'est pas parce que c'est jour férié que l'horoscope il doit s'arrêter. Comment savoir les gens, ils vont faire comment pour savoir leur horoscope? Oui, d'accord, mais bon. Voilà. La prochaine fois, je vous l'écris, vous le lisez, et puis on en parle plus. Hein. Bah oui, bah non. Bon, allez, Doudou, puisque vous êtes là et que vous allez en pleine forme en ce 1er novembre, ce mardi 1er novembre. Ah bah oui, oh là, je suis en pleine forme. Mais oui, en plus, c'est le 1er novembre, hein, donc c'est la fête des morts. Hein, donc c'est vrai. Bah oui, c'est du coup, moi j'avais des rites à faire. Hein. Bah oui, bah vous allez pouvoir les faire, vous allez voir. Bon, allez, on va commencer par les béliers ce matin. Alors, les béliers, parfois, il faut suivre sa propre voie pour trouver des solutions. Bah voilà, vous voyez, les taureaux. Grâce à votre persévérance et votre énergie, vous allez surmonter les difficultés sans problème. Les gémeaux. Faites une analyse réaliste de la situation et acceptez les côtés positifs. Cancers, comme je dis. Aujourd'hui, vous allez faire un grand pas en avant en ce qui concerne votre carrière. Évidemment. Les lions. Il est temps d'encaisser le salaire de vos efforts. D'accord, les vierges. Cette journée promet un succès, mais celui-ci n'arrive pas. Mais ne vous découragez pas. Les balances. C'est une bonne période pour nouer de nouveaux contacts et forger de nouveaux projets. Les scorpions. Mangez régulièrement du repos et avant tout des vitamines et des minéraux. Voilà ce qu'il vous faut. D'accord, les sagittaires. N'ayez pas peur des changements, les étoiles vous sont favorables. Pensez à la planification de votre vie. Les capricornes. Vous avez une petite baisse aujourd'hui qui ne va pas durer longtemps. Très bien, les Verseaux. Lors d'une dispute avec un membre de la famille, ne foncez pas devant tête baissée. Gardez plutôt votre calme. Bon, et pour finir, les poissons. Ne placez pas la barre trop haute concernant vos espérances sentimentales.

ardoise contenant la bactérie Listeria lors d'un contrôle de qualité du produit. La présence de la bactérie y a été décelée. Sont concernés les emballages portant la date de validité du 14 novembre 2011. La consommation de cette tête pressée contaminée peut provoquer des douleurs à l'estomac et aux intestins. Politique, les négociateurs reprendront les discussions demain à 13h avec au centre des négociations le budget. Il faudra trouver 9,6 milliards pour boucler ce budget 2012. Le fédéral et la sécurité sociale devraient en supporter 7,9 milliards. Les régions, communautés et pouvoirs locaux devraient supporter non pas 1,6 mais 1,7 milliard. Dans son rapport ajusté, le Conseil supérieur des finances retient aussi une croissance de 0,8% pour 2011-2012. Cet ajustement a été demandé parce que les libéraux estiment que les régions et communautés doivent faire un effort supplémentaire à celui prévu dans la note du formateur. Le Premier ministre grec George Papandreou a créé la surprise hier soir et pris un risque politique en annonçant l'organisation d'un référendum. Il veut demander l'avis des Grecs sur l'accord européen d'effacement d'une partie de la dette du pays. Sport football, Chelsea se déplace à Genk ce soir lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Et puis enfin, météo. Ce matin, le soleil fera de timides apparitions entre les nombreux nuages. On annonce beaucoup de pluie. Température entre 13 et 18 degrés. Demain, jusqu'à 20 degrés et plus de soleil. Voilà pour vos infos. Le retour du best-of de Mickaël à la radio. Fun Radio. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Nous devrions avoir Lob en direct de Sclessin, donc pour un petit Mickaël réveille la Belgique. Allô Lob. Allô Mickaël. Ah voilà, ça y est, t'es là, t'es en direct de Liège, Sclessin pour être précis. Oui, exactement. Ben, je suis justement devant un café Lipki Standard. D'accord, très bien. Le café, la supérette Les Rouches, le café Le Standard qui n'est pas encore ouvert, lui, bien sûr, parce que bon, ils sont un petit peu tristes. Bah, forcément, voilà, là, ils sont surtout fatigués. Ouais. Donc, on arrive dans la rue. D'accord. On arrive dans la rue principale du stade. Et alors, il y a plusieurs cafés ouverts déjà. Et alors, je vais un petit peu réveiller tout le monde. Donc, je fais quoi? Mickaël réveille Le Standard sur son radio ou quoi? Mickaël réveille le chant. Ouais, je pense qu'un petit chant de supporter, ça peut être pas mal. Faut savoir que Lob est liégeois, certes, mais il est pour l'humour. Hein. Se faire atomiser. Il est impro. Ce mec est malade. Il faut l'interner. Voilà. Eh ben voilà les bars retour là, ils vont être contents à mon avis hein. Ah oui. À mon avis le match retour ça va être le bordel. Ouais, surtout si c'est le Standard qui mène face à André, je pense qu'ils vont se venger mais d'une violence. Cela dit, nous on appellera André pour les emmerder hein. Nous ça change rien à notre vie hein. Bien sûr. L'un ou l'autre, il y a pas de problème. Et ben voilà, Mickaël a réveillé Sclessin ce matin. De quoi ? On peut même appeler les Brugeois et les autres aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais ce matin, on va se concentrer sur le Standard. D'ailleurs, on appellera encore des gens d'ici quelques instants, là. Oui. Des Liégeois, bien sûr, afin de leur signaler au cas où, bien évidemment, qu'ils peuvent changer de club s'ils veulent. Bah, et c'est surtout qu'ils trouvent un vrai club. Bah, bien sûr, voilà. Bon, Lob, à tout de suite à la radio pour la déclaration express. Ce sera dans un peu moins d'une heure, hein. Donc voilà. Bon, allez, à tout de suite. À tout de suite. Et court. Hein, à tout de suite, oui, plus vite. Mickaël à la radio, le rythme. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et nous allons maintenant faire la ligne anti-relou. Les meilleurs messages laissés sur le 0 473 86 00 13. Meilleur message car vous avez eu l'occasion, et vous avez bien fait d'ailleurs, de retenir ce numéro par cœur, les filles, un peu les mecs aussi d'ailleurs, et de le donner à tous les relous que vous avez pu croiser dans la rue, en boîte, en soirée, avec des potes, peu importe. En plus là c'est le week-end qui arrive, donc autant dire qu'il faut bien retenir. Ah bah ouais, il faut répondeur bien, va chauffer. Bien retenir le numéro de la ligne anti-relou, 0473 86 00 13. Allez, on écoute maintenant le premier message. Bébé, c'est moi, Frédéric, mon sextoy. Tu te souviens de cette super nuit de rêve qu'on a passée ensemble? On avait accouché, c'est à trop de la couche. Ça n'a gardé palpitations. Oh oui, viens dans mon lit, je t'attends. Pour qu'on se refasse la totale hein, cette fois. Ça, c'est voilà comment tu es l'amour. Je suis sans voix. Non, tu es le pro de la couche. C'est romantique. Alors là, mais j'hallucine. Complètement. Le pro de la couche. Mais oui, tu es le pro de la couche. Bravo. Et puis le petit à la fin. Ce n'excite pas les ça n'excite pas les mecs. Non. Rappeler à toutes. Ah ouais, non, je confirme. Il appelle souvent son copain, il lui fait. Et tu es le pro de la couche. Il n'est jamais excité. C'est ça. Comment calmer un mec? Voilà. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Bande de flamands, on va traiter les gens pour des cons, quoi. Peut-être pas les gens, mais peut-être que toi on a réussi pour le coup. Ah, non. Ouais, ça c'est sûr. Bah ouais, si parce que à mon avis. Le numéro de la ligne anti-relou, c'est que. Ouais, je pense bien qu'il a reçu le numéro de la ligne anti-relou d'une fille, il a dû l'appeler donc il le connaît par cœur ce numéro et donc il a dû entendre la radio en disant tiens, mais je connais ce numéro. On prendrait pas pour un con depuis quelques jours. C'est possible. Et allez, dernier message pour l'instant. Ouais, alors cocotte, j'ai raté un épisode là parce que tu me fais prendre une chambre d'hôtel hein, pour Nutella, tu m'emmènes sur mon tige, tu me dis que tu vas aller chercher une pizza, je t'attends, pour Nutella, tu sais où tu peux te le foutre, hein. Commence. Non mais c'est quand même énorme quoi, la fille va aller à l'hôtel avec lui, elle le tartine de chocolat, elle se casse pour aller chercher une pizza, elle ne revient jamais. Attends, bah c'est énorme. Hey, commence. Il y en a quand même qui vont jusque là quoi, c'est ça. Je suis impressionné. Mickaël à la radio, Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Bon, on rappelle les... Maternité, puisque je rappelle que c'est en Russie que ça s'est passé. Dans une maternité, il y a 12 ans, ils ont échangé deux enfants. Du coup, ces deux enfants ont grandi dans la mauvaise famille. Et aujourd'hui, dû au divorce d'un des deux parents, d'un des deux couples, ils se sont rendu compte de la supercherie. Et donc, Toff a appelé tout à l'heure à Bruxelles pour demander si effectivement c'était possible que son gosse soit pas vraiment son gosse. Et on lui a dit, écoutez. Ça peut arriver. C'est possible, hein. C'est-à-dire que on est des humains comme les autres, hein, on peut faire des erreurs. Donc, j'ai dit qu'on appellerait à Liège. Donc, appelons à Liège maintenant. Hein. Allons-y. Allez, c'est allons parti. Allons à la citadelle. Allons à la citadelle de Liège maintenant. C'est parti, on y va. On appelle à Liège. Voilà. Est-ce qu'ils vont répondre pareil? Probablement. Accueil Saint-Joseph, bonjour. Oui, bonjour, j'aurais souhaité la maternité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, on m'a raccroché pas. Merci. On n'entend rien. J'espère que l'autre, il va avoir un bon téléphone, parce que là... Autant en Bruxelles tout à l'heure, t'es nickel. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, voilà, en fait je vous appelle pour savoir si il vous est déjà arrivé de vous tromper sur des enfants. Je comprends pas votre question. Est-ce que vous auriez pu inverser deux enfants? Chez nous? Oui. Et vous pensez qu'on l'a inversé? Écoutez, parce qu'au début je pensais que peut-être ma femme aurait été voir ailleurs et que c'est pour ça et donc je ne m'inquiétais pas, mais je trouve que de plus en plus il ne lui ressemble pas non plus. Écoutez, c'est la première fois qu'on me pose une telle question. Oui, franchement. Jusqu'à hier, je vous avoue que ça ne m'avait pas traversé l'esprit, mais j'ai lu un article sur un enfant qui a été inversé. Donc je me demandais si ça n'aurait pas pu m'arriver aussi, vous comprenez? Jamais arrivé depuis 31 ans que je travaille. Ah oui, donc ce serait peut-être ma femme qui se serait trompée alors. Vous comprenez, elle l'aurait posé avec côté d'un autre et elle serait repartie avec... Non, ça ne se fait pas, monsieur. On ne pose pas un enfant à côté d'un autre. Les enfants vont directement avec leur maman dans leur chambre. Bon, vous pensez que ma femme aurait pu aller voir ailleurs, alors? Je ne dirais pas ça, monsieur, ce n'est pas à moi de le dire. Non, mais au début, vous comprenez, je ne voulais pas faire de scandale, ma femme a été voir ailleurs, ce sont des choses qui arrivent. Mais là, je me dis que peut-être, j'ai mis des soupçons sur ma femme qui n'étaient pas fondés. N'oubliez pas qu'elle est héréditée aussi, monsieur. De même, ça peut venir de... Les enfants peuvent ressembler à des grands-parents d'il y a longtemps, hein? Oui.

en pleine forme en ce 1er novembre, ce mardi 1er novembre. Ah bah oui, oh là là, je suis en pleine forme. Mais oui, mais oui, en plus, c'est le 1er novembre, hein, donc c'est la fête des morts. Hein, donc c'est vrai. Bah oui, c'est du coup, moi j'avais des rites à faire. Hein. Bah oui, bah vous allez pouvoir les faire, vous allez voir. Bon, allez, on va commencer par les béliers ce matin. Alors, les béliers, parfois, il faut suivre sa propre voie pour trouver des solutions. Bah voilà, vous voyez, les taureaux. Grâce à votre persévérance et votre énergie, vous allez surmonter les difficultés sans problème. Les gémeaux. Faites une analyse réaliste de la situation et acceptez les côtés positifs. Et les cancers, comme je dis. Aujourd'hui, vous allez faire un grand pas en avant en ce qui concerne votre carrière. Évidemment. Et bon, les lions. Il est temps d'encaisser le salaire de vos efforts. D'accord, les vierges. Cette journée promet un succès, mais celui-ci n'arrive pas. Mais ne vous découragez pas. Les balances. C'est une bonne période pour nouer de nouveaux contacts et forger de nouveaux projets. Les scorpions. Mangez régulièrement du repos et avant tout des vitamines et des minéraux. Voilà ce qu'il vous faut. D'accord, les sagittaires. N'ayez pas peur des changements, les étoiles vous sont favorables. Pensez à la planification de votre vie. Les capricornes. Vous avez une petite baisse aujourd'hui qui ne va pas durer longtemps. Très bien, les Verseaux. Lors d'une dispute avec un membre de la famille, ne foncez pas devant tête baissée. Gardez plutôt votre calme. Bon, et pour finir, les poissons. Ne placez pas la barre trop haute concernant vos espérances sentimentales. Très bien, ben merci Doudou. Ah bah de rien. Ah bah, y a pas de problème. Il y aura les infos de Julie qui arriveront tout à l'heure. Ce sera à l'admi comme d'habitude. Et puis évidemment plein de musique ce matin, ce mardi 1er novembre sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Est-ce que vous vous souvenez de Pascal? Oui, Pascal le grand frère. Exactement, le sauveur oui. de toutes les familles en perdition. Oui, c'est effectivement ça, effectivement. Celui qui arrive dans une maison où rien ne va quand il part. Rien ne va et quand il part, c'est le monde des bisounours. Bah dégueule, pourquoi tu restes là? Vas-y, tu parles pas comme ça. Tu ne parles pas comme ça. J'ai l'impression d'avoir fait vraiment tout de travers, que tout est de ma faute. Mathieu, moi bien. Vas-y, rentre chez toi. Oh, c'est la bouteille. Comprends, dégage. Non, je sais pas ce que vas-y, ça veut dire. Vas-y, casse-toi. J'ai pas besoin de faire ça pour comprendre, moi. C'est bon, j'ai compris, hein, c'est bon. On a marre, tu te lis une merde. Elle a fait des erreurs avec moi, c'est clair. C'est bloqué. Pour moi, il n'y a pas d'issue. Et oui, pour lui, il n'y a pas d'issue, effectivement. Et bien, ce matin, je peux vous dire qu'on a la nouvelle version du grand frère, encore plus puissant que Pascal, plus sévère que Super Nanny, plus violent que Rambo. Mais laisse-moi sortir, je te dis! Non, tu ne sors pas! On a rendez-vous chez le psychologue! Mais j'emmerde, moi, ton psychopathe, moi, je sors! Qu'est-ce qu'il y a? Tu constates? Tu constates, c'est ça? Saïd, un adolescent incontrôlable. La voix. Brigitte, une mère dépassée par une situation intenable. Casse les couilles, merde! Pétale, faut merde! Inconscient de la souffrance qu'il impose à sa famille. Putain. Saïd, peut-il espérer avoir une seconde chance avant que quelqu'un ne décide de l'enterrer dans la forêt? Ben oui, donc si. Moi, je te ferai un casse bien, vas-y, qu'est-ce que t'as? Une seule solution pour la famille Mangin. Conrad, gardien de prison à Abu Ghraib, en Irak. Oh là là. Habitué aux situations extrêmes. Alors, qu'est-ce que je viens de voir là? Hein? Élevé par des loups dans un quartier sensible du 9-3, Conrad a passé la majeure partie de son enfance au mitard. Engagé volontaire dans la Légion à 12 ans, les connards, il connaît. Fort de son expérience professionnelle, il va vivre en immersionnage dans une famille en perdition. Son objectif, calmer Saïd. Conrad est le gros frère. Eh oui, le gros frère, vous avez vu un peu là, hein? Ah bah, ah, ça va être violent, hein. C'est autre chose, hein. À côté Pascal, c'est une tapette. Hein. Pascal n'est rien à côté. C'est un petit. On va vous mettre de Conrad, le gros frère. On va vous mettre la vidéo en entier de l'épisode du gros frère, hein, sur amical.fm, bien évidemment. Mecs, ils ont fait un vrai épisode. Mais hein, bien ça, sûr, ça dure 20 minutes et tout. Y a... mais évidemment, évidemment, c'est normal. Ils ont fait les choses comme il fallait faire les choses. C'est normal. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique.